besoin d'aller à Byzance pour se dorer la peau. Moi, le cap de bonne espérance, je le double à moto. Je connais plein de coins de pêche.